بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. Donc le premier verset dit nous l'avons fait descendre, c'est-à-dire révélé. Nous avons fait descendre le Coran في ليلة القدر, dans la nuit du destin. Le qadr signifie soit le destin, ou il peut vouloir dire également al-sharaf. Al-qadr, c'est-à-dire la valeur, sous-entendu la grande valeur. Donc Laylatul Qadr, elle a les deux sens. Elle est la nuit du destin, parce que c'est la nuit lors de laquelle va être décrété tout ce qui se passera pour l'année à venir. Sachant que tout est déjà écrit. Mais les écritures du destin, elles sont multiples. Donc il y en a une qui se fait chaque année, lors de la nuit du destin. Et on peut dire également donc la nuit de Al-Qadr dans le sens de la noblesse, de la valeur, parce que c'est une nuit qui a une grande valeur. Donc à quoi fait allusion, nous l'avons fait descendre dans la nuit du destin. Abdullah ibn Abbas disait, c'est que le Qur'an est descendu en un seul bloc, une seule fois, d'auprès d'Allah jusqu'au premier ciel, le ciel le plus bas, à l'écrit. Donc c'est une sorte de inzel. Ce inzel, c'est-à-dire que le Qur'an est écrit dans les cieux et Allah, ce livre, l'a fait descendre du septième ciel jusqu'au premier ciel. Donc c'est pas l'inzel dans le sens où Jibril venait révéler au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les sourates. Puisque là, c'est pas une descente écrite, c'est une descente orale. Jibril venait dire le Qur'an au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus, on sait que le Qur'an, il n'a pas été révélé en un seul bloc. Au contraire, il a été révélé morceau par morceau, passage par passage, sourate par sourate, parfois un verset, parfois deux versets, parfois une sourate entière. Donc, ce verset fait allusion à la descente du Coran à l'écrit, jusqu'au premier ciel. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Donc, adra, donc dara, ça veut dire savoir, donc adra, c'est faire savoir. وَمَا أَدْرَاكَ. Et qu'est-ce qui te fera savoir مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Qu'est-ce que la nuit du destin, c'est-à-dire, et qui te dira ce qu'est la nuit du destin, qui te fera savoir ce qu'est la nuit du destin. Donc ça, ce n'est pas une vraie question. Ça, en réalité, c'est un style en arabe qui est destiné à grandir une chose, donner une grande importance à quelque chose. Donc, وَمَا أَدْرَاكَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ, c'est pour dire que sa grandeur, elle est considérable. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Donc justement, voilà la grandeur et la valeur de la nuit du destin. Donc, meilleure que 1000 mois, c'est min haythu al-amal, min haythu al-ajr, du point de vue des œuvres et du point de vue de leur récompense. Donc, on sait que celui qui agit, qui fait des bonnes œuvres dans la nuit du destin, eh bien, elle lui rapporte une plus grande récompense que s'il avait agi pendant 1000 mois, s'il avait fait les mêmes œuvres mais pendant 1000 mois. Donc ça montre la valeur de cette nuit, et c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faisait l'i'tikaf lors des 10 dernières nuits de Ramadan, à la recherche de cette nuit, c'est-à-dire pour tomber sur cette nuit. Donc comme Aïcha radiallahu anha le disait, quand arrivaient les 10 dernières nuits de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dormait plus. On en comprend que depuis le début du mois, il priait et il dormait. Mais à la fin de Ramadan, les 10 dernières nuits, il veillait toutes les nuits et il n'approchait plus ses femmes. Et elle a dit « Washad dami izarahu », c'est-à-dire il redoublait d'efforts dans la ibada. Quelle ibada? Eh bien, salah, mais pas seulement. Ça peut être le dhikr, ça peut être les dua, la récitation du Qur'an, l'istighfar, etc. Les adorations qui sont entre l'individu et Allah quand il est assis, quand il est tout seul. Donc, s'il faisait ça, c'était pour tomber dans la nuit du destin. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il disait « Taharruha fil ashril awakhir ». Taharra en arabe, ça veut dire « chercher à trouver, chercher à tomber sur quelque chose ». Donc, taharruha, c'est-à-dire « chercher-la dans les 10 dernières nuits ». Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne nous a pas désigné la nuit du destin, mais il nous a dit de la chercher dans les 10 dernières nuits. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Donc ça, ce verset, il fait allusion à une autre caractéristique de la nuit du destin. تنزل الملائكة. تنزل, c'est-à-dire descendre. Mais ce n'est pas comme نزل. نزل, ça veut dire descendre. تنزل, c'est descendre de façon progressive. Donc تنزل Al-Malaikatu, on en comprend qu'en fait les anges descendent par vagues successives. Wa-Ruhu, Ar-Ruh, c'est un des noms de Jibril, alayhi salam. Donc Jibril, lors de la nuit du destin, il descend sur terre. Donc ça, c'est quelque chose d'exceptionnel par rapport au reste du temps. Donc les anges sur terre, il y en a énormément. Par contre, Jibril, le fait qu'il descende dans la nuit du destin, ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Fiha, c'est-à-dire lors de cette nuit, bi-idhni rabbihim, par la permission de leur Seigneur, c'est-à-dire qu'on sait que si les anges le font, ce n'est que parce qu'ils répondent à l'ordre d'Allah. C'est Allah qui leur ordonne de descendre lors de cette nuit. Min kulli amr, ça signifie qu'en fait, ils amènent avec eux différents ordres d'Allah. Donc ça peut être pour les écrire, ça peut être pour les accomplir. Allahu a'lam, Allah n'a pas précisé. Mais ils descendent avec chacun comme un ordre ou une mission de la part d'Allah. Et les savants, ils disent donc le fait que Jibril et les anges descendent lors de cette nuit, c'est un signe de la baraka et de la rahma de cette nuit. Parce que quand les anges sont dans un endroit, ça indique la baraka de l'endroit. Donc si la terre, cette nuit-là, elle est remplie par les anges, et les anges y descendent plus que d'habitude, eh bien ça montre que c'est un moment de baraka, de bien. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Donc elle est salam jusqu'au lever de l'aube, puisqu'au lever de l'aube s'arrête la nuit dans l'islam. Donc salamun hiya, elle est salam. As-salam, qu'est-ce que ça signifie? As-salam, on avait déjà expliqué plein de fois, c'est le fait d'être épargné de quelque chose ou d'être en sécurité. Donc elle est salam, dans quel sens? C'est-à-dire que lors de cette nuit, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala pardonne énormément aux gens. Il leur épargne le châtiment à tous ceux qui demandent, à tous ceux qui se repentent. Donc elle est salam, c'est-à-dire c'est le contraire de si on disait c'est une nuit dangereuse. Salam, c'est le contraire, si vous voulez, de dangereux. Donc c'est une nuit qui donne la paix et la sérénité à l'individu, pas seulement sur terre mais aussi dans l'au-delà. Donc ça c'est pour la sourate Al-Qadr. La sourate suivante, suratul Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Ce verset, les savants ils disent que c'est un des versets les plus difficiles à expliquer dans le tafsir, dans le Coran. C'est un des versets les plus difficiles à expliquer. Donc qu'est-ce qu'il dit littéralement le verset, si on le lit, il dit ceux qui ont mécru. الذين كفروا. Donc ceux qui ont mécru. Al-kufr, c'est le contraire de l'iman. Al-kufr, c'est le fait notamment de renier, de refuser. Donc ceux qui ont renié, ceux qui ont mécru, parmi les gens du livre et les mushrikin. Donc Allah nous parle ici de ceux qui ont mécru et il les divise en deux catégories. Ahlul Kitab, c'est-à-dire Al-Yahoud ou Al-Nasara. Pourquoi on les a appelés Ahlul Kitab? Parce qu'ils ont un semblant de livre qui provient d'Allah. Donc ils ont un livre qui à l'origine provient d'Allah, même si après ces livres ils ont été touchés par la main humaine et par la modification et l'altération, ce qu'on appelle tahrif. Mais au moins ils se basent sur quelque chose qui à l'origine provient d'Allah. Ou al-mushrikin. Al-mushrikin, c'est tout le reste, notamment à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien les arabes qui adoraient des idoles, des arbres, des statues, des hommes, etc., etc., qui associaient toutes sortes de choses à Allah en les adorant en dehors d'Allah. Donc ici, ce genre de parole, de ce genre d'appellation, c'est par rapport à quelque chose qui marque ce groupe. Par exemple, Ahlul Kitab, pourquoi on les appelle Ahlul Kitab? Parce que c'est ça qui les différencie des autres, c'est qu'ils ont un kitab. Ils suivent l'évangile, ou ils la lisent, ou ils lisent la Torah. Mais est-ce que ça veut dire que ce ne sont pas des mushrikin? Puisqu'Allah a dit Al-Kitab ou Al-Mushrikin. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont exemples de shirk? Non, pas du tout. Puisqu'Allah avait dit dans le Coran, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثًا. Car ils ont dit qu'Allah est le troisième de trois. Si ça, ce n'est pas du shirk, qu'est-ce que c'est? Ou alors Allah dit dans le Coran, اِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ. Qui signifie, c'est dans Surat al-Tawba, ils ont pris leurs savants, l'ahbar, et leurs ruhban. Ruhban, c'est les moines, ceux qui font qu'adorer Allah. Comme Dieu en dehors d'Allah. Ainsi que le Messie, fils de Mariam. Donc si ça, c'est pas du shirk, qu'est-ce que c'est? Donc eux aussi, en vérité, ce sont des mouchriquins. Mais leur appellation, c'est Ahlul Kitab. Pourquoi? Parce que c'est ça qui prévaut sur eux, pour les différencier des mouchriquins qui, eux, n'ont pas, d'une part, de livres, et d'autre part, leur shirk, il est plus clair. C'est-à-dire qu'eux, ils se prosternent devant une grosse statue en forme de monstre, ou en forme... Leur shirk, il est plus clair que ceux qui adorent, par exemple, des rabbins qui sont morts, ou des moines qui sont morts, ou qui les adorent d'une autre façon. Lorsqu'ils les adorent, c'est pas forcément en se prosternant devant eux, ou en les priant. Ça peut être d'une autre façon. De quelle façon? Un sahabi qui s'appelait Adi ibn Hatim, radiallahu anhu, avant d'entrer dans l'islam, il était chrétien. C'était un arabe chrétien. Et quand il a entendu ce verset que je vous ai dit, comme quoi les gens du livre ont pris leurs moines et leurs savants comme Dieu, comme Arbab, lui, il n'a pas compris. Il est parti voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit, Ma kunna na'buduhum. Il a dit, on ne les adorait pas. C'est-à-dire, quand j'étais chrétien, j'adorais pas les moines, j'adorais pas les prêtres. Qu'est-ce qu'il voulait dire, lui, par je ne les adorais pas? C'est-à-dire, je ne me prosternais pas devant eux. Quand je priais pas le moine, je priais Dieu. Donc il dit, bah, on ne les adorait pas. Pourquoi le verset il dit qu'on les adorait? Là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, n'est-ce pas que il déclarait halal ce qu'Allah a dit haram? Et vous, vous disiez halal. C'est-à-dire les prêtres, les rabbins, tout ça, ils vous disent, ça c'est halal, alors qu'Allah a dit haram. Et vous, vous dites halal, parce qu'ils ont dit halal. Ou alors ils disent haram sur ce qu'Allah a dit halal, alors vous dites haram. Il a dit na'am. Il a dit oui, ça on le faisait. C'est-à-dire qu'ils ont l'évangile ou la Bible, c'est écrit ceci halal, ceci haram. Mais quand eux ils changent, quand leur grande tête ils changent, ben, eux ils changent avec. Il a dit tilka ibadatum. Ça c'est les adorer. Parce que qui a le droit de décider qu'une chose elle est halal ou haram? Ça c'est le droit exclusif d'Allah. Et ça relève du nom d'Allah, Ar-Rabb. Parce qu'Ar-Rabb c'est celui qui gère. Donc celui qui gère, c'est lui seul qui peut définir des lois. Ce qui est licite, ce qui est interdit, etc. Donc si l'homme il prend cette place, sciemment, c'est-à-dire il dit non, c'est ça qui est permis, c'est ça qui est interdit, sans considérer ce qu'Allah a dit, ben il s'est mis à la place du Rabb. Et donc celui qui le suit, il l'a pris comme Rabb. Donc lui, il n'avait pas fait attention à ce genre de shirk. Donc le shirk, c'est pas seulement dans se prosterner, faire des prières, c'est aussi dans ça. Dans le fait de prendre quelqu'un en le désignant comme ayant le pouvoir de légiférer, de dire que ceci est permis, ceci est interdit, etc. Donc il faisait du shirk aussi, c'est ça surtout que je voulais dire au départ, c'est que ça ne veut pas dire que c'est pas des qu'ils font pas de shirk, mais c'est une question d'appellation, parce que les autres ils étaient connus plus pour ça. Donc munfakkin, que dit le verset? Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin munfakkin, ceux qui ont mécru parmi, donc deux catégories, les gens du livre et les mushrikin. Lam yakun, c'est-à-dire ils n'étaient pas munfakkin. Infakka en arabe, ça veut dire faire ça, par exemple. Se séparer, se décoller de quelque chose. Comme infasala. Donc, ils n'allaient pas se séparer. Qu'est-ce que ça veut dire? Se séparer de quoi? Se séparer entre eux ou de quoi? Ça signifie se séparer de leur kufr. Donc là, je vous dis l'interprétation qui a été choisie par plein de savants, notamment le cheikh Moussaïd al-Tayyar, le spécialiste dont je vous ai parlé la semaine passée. C'est-à-dire, lam yakunu liyanfakku an kufrihim. Ils n'allaient pas se débarrasser et quitter leur kufr. Quel kufr? Bah, chacun il était dans un kufr. Lui il adore une statue, l'autre il adore un arbre, lui il adore Issa, lui il adore un rabbin, etc. etc. C'est-à-dire que ils étaient tous tombés dans une sorte de kufr. Soit en adorant les statues, ou soit pour ce qui est des chrétiens en disant que Issa est le fils d'Allah, ou en l'adorant, ou pour les Yahoud d'autres sortes de kufr, etc. Donc ils n'allaient pas quitter leur kufr. Ils allaient rester comme ça. Hatta ta'tiyahumul bayyina. Jusqu'à ce que al-bayyina leur vienne. Al-bayyina, ça signifie une preuve claire. Comme dans la justice, par exemple, une preuve, on dit al-bayyina. Ou un témoin aussi, on peut appeler ça bayyina. Une bayyina, c'est une preuve, un argument. Donc que veut dire le verset? C'est-à-dire que les gens du livre, quels qu'ils soient, toutes les catégories, ils n'allaient jamais changer tant que la preuve ne leur vienne pas. Il fallait une preuve, il leur fallait quelque chose pour les faire sortir de leur kufr. Ensuite, dans le deuxième verset, Allah dit, quelle est cette bayina? Rasulun min Allah yatlu suhufan mutahara. Un messager venant d'Allah, yatlu. Donc ici, yatlu, est-ce que c'est dans le sens lire comme ça ou réciter? Réciter, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas lire. Donc il récite suhufan mutahara. Des feuilles, suhuf. Des feuillets, mutahara, purifiés. Pourtant, vous allez me dire, le Coran, il n'était pas en feuillet quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le récitait par cœur, selon ce que Jibril lui disait. Et les sahaba, ils l'écrivaient dans quoi le Coran? Quand le prophète, il les appelait, il leur disait, écrivez ce qui m'a été révélé. Dans tout ce qu'ils trouvaient. Ça pouvait être des os, ça pouvait être de la pierre, le papier, c'était rare. Donc pourquoi suhufan mutahara? C'est une allusion à ce qui va venir plus tard. C'est que plus tard, le Coran, il va être dans des suhuf. Il va être mis à l'écrit par la suite. Et donc, un peu après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a été mis à l'écrit en un seul exemplaire par Abu Bakr, pour le préserver. Et après, c'est devenu commun. C'est-à-dire, le mushaf, il s'est répandu. Ils en ont fait des copies. Et plus le temps est passé, et plus le Coran, il s'est répandu en suhuf. Ou alors, ça peut faire allusion aux suhuf qui sont dans les cieux, dans lesquels le Coran est écrit au ciel, et dont Jibril tire la révélation pour la transmettre au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Coran, il est dans des suhuf, que ce soit dans les cieux, ou que ce soit par la suite, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il se retrouve dans des suhuf. Des suhuf qu'Allah a qualifié de mutahara, purifiés. Pourquoi purifiés? Parce que ces feuilles qui contiennent le Coran, elles sont purifiées de toute altération. Elles sont purifiées de toute influence humaine. Fiha kutubun qayyimatun. Yani fiha maktubat qayyima. Kutub ici, yani maktubat. Ashiya maktuba. Donc, fiha, c'est-à-dire dans ces feuilles purifiées, kutubun, il y a des choses écrites qayyima, qui sont qayyim, ça veut dire droit. Donc, qui contient des feuilles pures qui contiennent des écritures de droiture. C'est-à-dire, ce qui est écrit, c'est la droiture. Donc ça, c'est une allusion au prophète, Rasulun min Allah, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Suhufan mutahara, c'est le Qur'an. Puisque tout ce qui est dans le Qur'an, ce sont des choses qui sont qayyima. Le monothéisme, les histoires des prophètes, le halal, le haram, c'est que des choses qui relèvent de la droiture. Il n'y a pas de choses vaines. Dans le Coran, il n'y a pas de divertissement. Dans le Coran, il n'y a pas de choses futiles dans le Coran. Ce ne sont que des choses. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de choses qui vont t'égarer. Ce ne sont que des choses qayyima. Donc en fait, les premiers versets, ils signifient que ça nous explique le hal, c'est-à-dire la situation des gens avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi eux, il y avait des mushrikin, il y avait Ahlul Kitab, et tous ils étaient dans le kufr. Et ils n'allaient pas se séparer de ce kufr tant qu'Allah n'envoie pas un prophète qui récite aux gens les paroles d'Allah. Voilà le sens global de ces versets. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Inna allaha nazara ila ahli al-ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab » Dans un hadith, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam « Allah a regardé les gens de la terre et les a tous détestés. » C'est-à-dire avant qu'il arrive. Avant qu'Allah envoie Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les arabes comme les non-arabes, sauf quelques restants des gens du livre. C'est-à-dire que dans ces gens du livre, il y avait quelques monothéistes qui restaient. Comme qui par exemple? Comme l'oncle de Khadija, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu Iqra, et Khadija l'a amené chez son oncle, Waraqa ibn Nawfal. Donc lui, il était chrétien, mais pas chrétien dans le sens où il dit Allah est le troisième de trois, ou alors il adore la croix, ou il dit que Isa est le fils d'Allah. Chrétien dans le sens où il croyait en Isa en tant que prophète, et il adorait Allah seul. Voilà. Donc ces genres de personnes, elles existaient dans la société, mais c'était des personnes isolées, et la plupart du temps, ils s'isolaient, ils allaient loin de la société, justement parce qu'ils ne s'y reconnaissaient pas dans ce que les gens faisaient. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Donc là, ça parle de, maintenant, spécialement des gens du livre. Ça parle plus des mouchriquins. Et ça parle des gens du livre une fois que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu. Donc le verset dit, et ceux qui ont reçu le livre ne se sont divisés qu'une fois que la preuve leur est venue. Donc la preuve ici, c'est toujours le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand il est arrivé, les gens du livre, ils se sont divisés en plusieurs, en deux catégories. Ceux qui l'ont reconnu et qui l'ont accepté et qui l'ont suivi, et c'était une minorité. Ceux qui l'ont reconnu, mais qui se sont dit, on ne le suivra pas. Que ce soit parmi les juifs ou que ce soit parmi les chrétiens. Et c'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran, الذين أوتوا الكتاب من قبل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Ceux qui ont reçu le livre auparavant le connaissent comme ils connaissent leurs propres enfants, parce qu'ils en avaient la description dans leur livre, même dans ce qui restait de leur livre, ils en avaient la description. Et ça, quand on lit dans la Sunna, on en a plusieurs exemples. Il y a plusieurs récits de gens dans la Sira et dans les Hadiths, soit donc de gens qui l'ont reconnu et qui ont soit adhéré à son message ou soit qui n'ont pas voulu le suivre. Donc par exemple, parmi ces gens, au tout début de Sahih al-Bukhari, il y a l'exemple de Hiraql. Donc quand un jour Abu Soufiane, il était avec une caravane de commerce en Syrie, et quand Hiraql il a entendu parler qu'il y avait des Arabes dans la ville, il les a convoqués. Et il lui a dit, donc, je vous résume l'histoire, c'est que Hiraql, il a dit, je sais qu'il y a un prophète qui doit venir, et que ce prophète, il doit être circoncis. Et que, donc il en a déduit que ce serait chez vous, chez les Arabes. Et en dialoguant avec Abu Soufiane, il a compris que cet homme qui est sorti, c'est bel et bien lui. Même Abu Soufiane, à ce moment-là, il était mouchrik. Et il a dit à ses compagnons, voilà que Ibn Abi Kabsha, c'est comme ça qu'ils appelaient le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour se moquer de lui, sa question maintenant, elle perturbe même Hiraql. Parce que pour eux, les Roms, c'était des gens très puissants. Donc ça l'a troublé. Et c'était un des prémices qui allait faire que plus tard, il allait entrer dans l'islam, Abu Soufiane ibn Harb. Donc tout ça pour dire que Hiraql, il l'a reconnu, mais il n'a pas voulu le suivre. Et pourquoi il n'a pas voulu le suivre? Eh bien, parce que quand il a vu que tous ces notables et les gens en général, quand il leur a proposé, ils se sont retournés contre lui, ils étaient prêts à le tuer. Il leur a dit, non, je vous ai juste dit ça pour vous éprouver, pour voir si vous teniez à votre religion. Et il est resté dans sa religion. Al-Yahoud, c'est la même chose. Abdullah ibn Salam, qui est devenu un sahabi, à la base, lui, c'était un savant juif de Médine. Et il a reconnu dans le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les signes du prophète. Donc il l'a suivi. Il y en a un autre également, je ne sais plus si c'est Abdullah ibn Salam ou un autre, qui est venu donc plusieurs fois voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est arrivé à Médine, et il a reconnu tous les signes en lui, mais il restait un signe qu'il n'avait pas reconnu, c'était la patience du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait qu'il répond au mal par le bien. Alors il lui a fait, il a voulu tester le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à la fin il lui a très mal parlé, il l'a tiré par le cou, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas répondu. Et il a jugé, c'est-à-dire c'était une affaire entre lui et quelqu'un, et il a jugé équitablement. Et là, il a reconnu. Il a dit, c'est lui. Parce qu'en plus, il ne répond pas au mal, aux provocations, il ne répond pas aux insultes, etc. Et après, il est entré dans l'islam. Donc, il y en a eu plusieurs comme ça. Il y a eu Waraqa, justement, dont on parlait tout à l'heure. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a raconté qu'il avait vu Jibril, et qu'il lui a dit, « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq », il lui a dit, « Hadha an-namus alladhi ja'a ila Musa ». Il a dit, c'est le même esprit, c'est-à-dire Jibril, qui est venu à Moussa. Il lui a dit, si je vis, je serai à tes côtés. Bref, il y en a plusieurs exemples, de juifs comme de chrétiens, qui l'ont reconnu et qui l'ont suivi. Et puis un grand nombre aussi qui l'ont reconnu, mais qui n'ont pas voulu le suivre. Il y a même, je ne sais pas si vous avez lu dans la Sira, l'histoire de Banu Qurayza. Banu Qurayza, c'était une des trois tribus juives. Donc c'était la dernière qui restait, si je me souviens bien, à Médine. Après, ils ont trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils se sont alliés au Ahzab, au Quraysh et aux autres, etc. Et leur chef qui s'appelait Ka'b, Ka'b ibn, je ne sais plus, Al-Quradi, avant de trahir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a proposé à son peuple. Il leur a dit, en vérité, on sait tous que c'est le prophète qui devait venir. Alors, suivons-le. Et ils ont tous refusé. Et à la fin, on sait ce qui c'est. C'est-à-dire, c'était le conflit. Ils ont préféré le conflit, en fait, de suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est ainsi qu'ils se sont divisés. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ. Donc, dans le verset suivant, Allah dit وَمَا أُمِرُوا, c'est-à-dire, et on ne leur a ordonné que لِيَعْبُدُوا اللَّهَ, d'adorer Allah. Mais regardez comme à chaque fois dans le Coran, Allah ne dit pas seulement d'adorer Allah. لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Parce qu'adorer Allah, il le faisait. Que ce soit les adorateurs de statues parmi les Arabes, les Juifs, les Chrétiens, tous ils adoraient Allah. Mais le problème, il est où? Mukhlisin al-Din. Yani, en lui vouant ad-Din, mukhlisin, c'est-à-dire exclusivement à lui. Sans lui vouer ad-Din à lui et à autre chose. C'est ça que ça signifie mukhlisin al-Din. Donc, le verbe khalusa en arabe, ça signifie être pur, être dégagé de tout ce qui est étranger. Comme par exemple, si on dit khalusa al-Laban, c'est-à-dire que le lait est devenu bien pur, et il a été nettoyé, etc. Donc, mukhlisin al-din, c'est-à-dire en dépouillant pour lui la religion de tout shirk, de tout associationnisme. Et en plus, Allah a dit derrière, hunafa'a, c'est-à-dire en étant hunafa. Hunafa, c'est le pluriel de hanif. Et le hanif, à la base en arabe, ça signifie celui qui penche. À la base, vraiment en arabe, hanif, c'est quelqu'un qui penche. Ça vient du mot pencher. Alors pourquoi hanif? Parce que hanif, ça veut dire monothéiste. C'est dans le sens où al-hanif, il délaisse l'adoration d'autres qu'Allah, et il délaisse ceux qui adorent autres qu'Allah pour se tourner vers l'adoration d'Allah exclusivement. Donc c'est-à-dire que vraiment, il se détourne du shirk, il se détourne des fausses divinités. C'est ça le sens de hanif. Donc, مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة, et d'accomplir la salah et de donner la zakah. Donc, ça, ce sont les grandes bases de la religion. L'adoration exclusive d'Allah, l'accomplissement de la salat et le fait de s'acquitter de la zakah. Et ces bases de la religion, on les retrouve dans tous les messages des prophètes précédents. Donc, c'est comme si Allah disait, et qu'est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné? Et qu'est-ce que le Coran leur a ordonné, si ce n'est d'adorer Allah seul sans ne rien lui associer, d'accomplir la salat et de donner la zakat. Et ça, c'est la religion de la droiture. C'est-à-dire, qu'est-ce qui les a empêchés de suivre ce prophète, sachant qu'il ne leur ordonne que ce que leur prophète leur avait déjà ordonné. Ils ne trouvent rien de nouveau et d'étranger dans leur livre, au monothéisme que tous les prophètes ont enseigné et auquel ils ont appelé. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Dans le verset d'après, Allah dit ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les mushrikin sont dans le feu de Jahannam. Donc Jahannam, c'est un des noms de l'enfer. Ce mot Jahannam en arabe, on le retrouve en français. Vous savez ce que c'est, non? La GN. GN. Donc GN, ça doit venir de l'hébreu, je pense, mais c'est le même mot que Jahannam. Et Jahannam, ils disent, ça vient de... Le mot Jahannam, il exprime la profondeur de l'enfer. Khalidin afinha. Donc ils seront dans le feu de l'enfer, Khalidin. C'est-à-dire, ils y seront pour toujours. Oula ikahum sharul bariya. Ceux-là sont les pires de la création. C'est-à-dire que leur situation, ça sera la pire des situations vis-à-vis de toute la création. Parce que soit il y aura des gens qui seront au paradis, soit les autres créatures, elles disparaîtront, ou alors il restera les anges qui, eux, sont dans la glorification d'Allah, l'adoration d'Allah, mais eux, ils seront dans le châtiment. Ce sera les seuls à être dans le châtiment de toute la création. Et donc, pourquoi Sharrul Bariya? Ben, ça revient un peu à ce qu'on disait l'autre fois avec la sourate Wattini Wazzaytoun. C'est-à-dire que malgré qu'Allah les a honoré l'être humain, il leur a donné l'aql, etc., mais eux, ils ont agi contrairement à tout ça. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'implique la raison, à ce qu'implique la révélation qui leur est venue, ils ont agi contrairement à tout ça. Et ensuite, Allah, après avoir parlé d'eux, il parle des croyants. Donc c'est rarement, vous trouverez une sourate ou des versets qui parlent des croyants sans qu'après ça parle des non-croyants. Ou des non-croyants sans qu'après ça parle des croyants. C'est pour ça qu'Allah a qualifié le Coran de mathani. Mathani, c'est-à-dire des choses qui se répètent et des choses qui sont duelles. Et le Coran, c'est toujours comme ça, c'est toujours duel. Ça parle de l'enfer, après ça parle du paradis. Ou ça parle du paradis, après ça parle de l'enfer. Ça parle de la dunya, après ça va parler de l'au-delà ou l'inverse. Et ainsi de suite. Donc le Coran tout entier, il est comme ça. Il se répète, mathani, c'est-à-dire que ce sont des choses, des versets, des sens qui se répètent beaucoup et qui vont également à chaque fois par deux, par l'inverse. Donc Allah parlait de l'inverse, ceux qui ont cru, Inna alladhina amanu wa amilu salihati, ulaika hum khayrul bariya. Donc ceux qui ont eu la foi et fait les bonnes œuvres, ça on l'a expliqué la semaine dernière, ceux-là sont eux, ulaika hum, c'est pour insister. C'est-à-dire eux et pas et personne d'autre. Khayrul bariya, ils sont les meilleurs des créatures. Pourquoi les meilleurs des créatures? Parce que, donc eux, ils ont respecté cette place à laquelle Allah les a mises. Allah, il a honoré l'être humain, ben eux, ils ont été dans le sens de cet honneur, ils ont respecté cet honneur. Ils ont été reconnaissants envers Allah. La raison qu'ils ont eue grâce à Allah, qu'Allah leur a donné, ils l'ont utilisé dans le bien. Et les penchants, ils ont su s'en écarter. Alors que, par exemple, les animaux, ils ont des penchants, et ils les font. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas leur reprocher, parce qu'ils n'ont pas l'âcle pour les retenir. Et si l'être humain il suit son penchant, il descend en dessous de l'animal, parce que l'animal lui, il est excusable, il n'a pas d'âcle pour se retenir. Donc ceux-là, ils ont, c'est pour ça qu'ils sont les meilleurs des créatures, parce qu'ils ont accompli leur devoir, été reconnaissants envers Allah et respecté la place qui était la leur. Donc Allah ensuite a décrit leur récompense, jaza'uhum. Al-jaza, ça signifie la récompense, mais ça peut vouloir dire également la punition. Al-jaza, c'est ce qu'on donne en récompense à quelqu'un ou en punition à quelqu'un. Jaza'uhum 'inda rabbihim, leur récompense auprès de leur Seigneur. Donc on en comprend que leur récompense, elle est élevée et que le paradis, il est proche d'Allah. Jannatu 'adnin, les jardins de 'Adn. Ça, c'est un des noms du paradis. Le paradis, il a plusieurs noms. Donc 'Adn également, c'est un mot qu'on retrouve en français. C'est l'Éden. Et Aden, en fait, qu'est-ce qu'il désigne? Le mot Aden, ça désigne l'Iqama, la résidence, c'est-à-dire le fait que c'est quelque chose qui va, une résidence qui ne durable. Ça désigne la pérennité, le fait qu'on y est et après on n'en bouge plus, on reste dans cet endroit. Donc Jannat ou Adnin, pourquoi Jannat? Parce que le Jannat, il est composé de Jannat, de plusieurs jardins. Et est-ce qu'on avait expliqué déjà le mot Jannah? C'est quoi la différence entre Jannah et Bustan, etc. Jannah en arabe, ça désigne un jardin qui est tellement, dans lequel il y a tellement d'arbres et de végétation qu'il est ombragé. Mais quand on y rentre, on est comme à l'abri, on ne voit pas le soleil, on est dans l'ombre. C'est ça le sens de Jannah. Tajri min tahtiha al-anhar. Les rivières coulent, Tajri. Tajri jara, ça veut dire courir. Donc quand on parle de rivière, ça veut dire couler. Min tahtiha, c'est-à-dire au-dessous de ces jardins, il y a des anhar qui coulent. Et des hadiths disent que ces anhar, ces rivières du paradis, elles ne sont pas comme les rivières d'ici-bas. Elles n'ont pas de bord. C'est-à-dire qu'elles coulent comme ça sur le sol. Il n'y a pas de bord. Elles tiennent comme ça, sans qu'il y ait des bords pour les retenir. Khalidina fiha abada. Khalidina fiha, donc ils y seront pour toujours. Radiyallahu anhum wa radu anh. Ça, c'est une récompense au-dessus. C'est-à-dire, Allah a cité la première récompense, c'est le Jannah. Donc le Jannah avec tous les plaisirs, etc. Mais après, il a dit radiyallahu anhum. Allah sera, donc c'est un verbe au passé, mais son sens, il est futur. Allah sera satisfait d'eux. Ils auront al-rida. Al-rida, ça, c'est la plus grande récompense que l'être humain il aura eu. C'est sa plus grande réussite. C'est le fait d'être sûr qu'Allah est satisfait de lui et que plus jamais Allah ne sera en colère contre lui ou mécontent de lui. Radiyallahu anhum wa radu anhum. Et ils seront satisfaits de lui. Qu'est-ce que ça signifie, ça, ils seront satisfaits de lui? C'est-à-dire qu'ils seront comblés par Allah. Ils seront comblés de joie et de récompense et d'honneur. Dhalika liman khashiya rabbahu. Voici pour celui qui craint son Seigneur. Et al-khashiya, c'est une des sortes de crainte. Et par rapport à l'khawf, la différence c'est que l'khashia elle est basée sur l'ilm, sur la connaissance et le savoir. C'est pour ça que d'ailleurs qu'Allah dit dans le Coran, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Les seuls qui craignent vraiment Allah, mais le mot dans le verset c'est yakhsha. C'est pas yakhaf. Les seuls qui ont le vrai khashia c'est al-ulama, c'est-à-dire les savants, ceux qui connaissent réellement Allah. Pourquoi? Parce que le khashia c'est une crainte qui est basée sur la connaissance. Donc al-khawf c'est la simple crainte. Mais quand tu sais ce que la chose en face elle peut te faire, là ça devient une khashia. C'est une crainte basée sur la connaissance, pas la simple appréhension. Donc voici pour celui qui craint son Seigneur. Donc pour arriver à ça nous montre que le chemin de la foi, des bonnes œuvres, et donc le chemin du paradis, c'est khashiyatullah, le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. La sourate suivante, suratu zalzala. Bismillah. Donc al-zalzala, ça veut dire le tremblement de terre, en l'occurrence. Bismillahirrahmanirrahim. Idha zulzilatil ardu zilzalaha. Donc ici, le verbe en arabe, il est au. En français, on dit le passif. Mabni lil majhoul. Idha. Donc si je dis zalzala, le verbe zalzala en arabe, ça veut dire faire trembler quelque chose. Donc si je dis zulzila, ça veut dire on l'a fait trembler. Zalzala. Ana zalzaltuka, par exemple, je te fais trembler. Zulzilta anta. Tu as été fait trembler. Bon, c'est un peu, vous avez compris. C'est du passif. Donc, idha zulzilatil ardu. Quand la terre, on la fera trembler. Et là, encore une fois, vous remarquez, c'est important que vous reteniez que les verbes en arabe au mardi, ils peuvent avoir le sens du futur. Parce qu'en arabe, il n'y a que trois conjugaisons. Il y a le mardi, le passé, le mudari' qui veut dire le présent, et l'amr, l'impératif. Et avec ça, eh bien, les Arabes, ils faisaient tous les temps. Le futur proche, plus que parfait, passé composé. Nous, on a, en français, on a une conjugaison pour chaque temps. En arabe, non, il n'y a que trois conjugaisons. Mais avec ces trois, on peut tout faire. Il n'y a pas de futur. Dans la langue arabe, il n'y a pas une conjugaison au futur. Donc, comment on fait le futur? Ben, par exemple, en disant « saya'lamoun », en mettant « ça » avant le mot. Donc ici, « idha zulzilat », ça ne parle pas d'un événement passé. Ça veut dire quand la terre sera, quand on fera trembler la terre, zilzalaha. Zilzalaha, c'est comme pour insister, c'est le masdar pour insister, c'est-à-dire quand on fera trembler la terre de son tremblement, c'est-à-dire du tremblement le plus important qui aura touché la terre. C'est pour ça qu'Allah dit zilzalaha. Quelqu'un pourrait dire la terre elle a plein de zalazil. Tous les mois, on entend un zilzal quelque part. Donc si Allah dit zilzalaha, de son tremblement, ça veut dire c'est celui-là. Le plus important, c'est celui-là. Et le plus grave, c'est celui-là. Et donc ce zilzal, il aura lieu après la fin de la terre. C'est-à-dire quand l'ange aura soufflé dans la trompe et que tout le monde va être foudroyé, pétrifié, il ne restera plus personne sur terre. Et qu'ensuite Allah changera les cieux et la terre en d'autres cieux et d'autres terres, c'est de cette terre-là que ça parle, c'est-à-dire la terre de la résurrection. Donc l'être humain, il va se réveiller, il va sortir de sa tombe, et à ce moment-là, la terre de la résurrection, qui sera sous sa nouvelle forme, elle sera en train de trembler. C'est ça que ça signifie. Donc ce n'est pas la terre telle qu'on la connaît qui va connaître un tremblement de terre à ce moment-là. Là, ça parle de après. Il va muddat. Puisqu'on sait que la terre, Allah va, au jour de la résurrection, ça ne sera plus la terre telle qu'on la connaît. Muddat, c'est-à-dire qu'elle va être allongée. Alors que maintenant, elle est ronde. D'ailleurs, c'est sûr qu'elle est ronde ou pas, la terre? En ce moment, il parle sur Internet, la terre plate, etc. Faut pas vous laisser emporter parce que on sait, par exemple, qu'il y a des complots, on sait que le Coran, c'est le haq, alors... Dès qu'on trouve quelqu'un et dit le contraire de la NASA, on a envie que ce soit vrai. Il ne faut pas se laisser avoir par ça. C'est du n'importe quoi. La Terre plate, bon, il y a des gens qui m'en ont parlé, donc par curiosité j'ai regardé. Ça faisait pitié, quoi. Les arguments, c'était vraiment pitoyable. Les ulama, plusieurs savants, bon, Ibn Taymiyyah, qui vivait il y a Donc c'était les années 600. Donc il vivait il y a 800 ans. Il dit, rahimahullah, que les musulmans et les savants musulmans sont unanimes pour dire que la Terre est sous forme de boule. Qu'elle est ronde, quoi, je veux dire. C'est ça que je veux. Il n'y a pas qu'Ibn Taymiyyah qui a dit ça. Donc il a dit ça il y a 800 ans. Donc ces trucs de terre plate et tout ça, peut-être les chrétiens obscurs, s'ils veulent y croire, les musulmans, ils ont toujours su que la terre, elle était ronde. Et ça ne contredit pas tout ce qu'il y a dans le Coran. Ça ne doit pas nous poser un problème. Par exemple, dire que, oui, mais Allah est au-dessus, donc comment si la terre, elle est ronde, tu ne dois pas rentrer dans tout ça. Les savants eux-mêmes, ils savaient que la terre, elle est ronde, ils n'y ont jamais vu de contradiction. Donc la terre elle est ronde, la terre elle est ronde, après c'est tout. Et justement, c'est pour ça qu'Allah a dit wa idhal ardu muddat. Si elle était déjà plate, ça veut dire quoi idhal ardu muddat? Wa idhal ardu muddat, c'est-à-dire qu'au contraire, au jour de la résurrection, là elle sera tirée comme une peau de bête quand on la tire. Elle sera allongée et elle n'aura plus aucun relief, la terre au jour de la résurrection. Ça sera une terre toute plate. Donc, إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. Et quand la terre sortira ses fardeaux. Al-afqal, c'est les choses lourdes qu'on porte, les fardeaux. Et donc quand la terre sortira ses fardeaux, à quoi ça fait allusion? Aux morts qui sont en elle. Donc la terre, sur l'ordre d'Allah, elle va faire sortir ses morts. وقال الإنسان ما لها. Et quand l'être humain dira, qu'est-ce qu'elle a? Donc les êtres humains, ils vont sortir de leur tombe et ils vont, déjà la terre, elle ne sera pas comme ils l'ont connue et en plus, elle sera en train de trembler d'un tremblement énorme. Donc l'être humain, il sera dans une situation de, comme Allah a dit dans un autre verset, « وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَ وَمَا هُمْ بِسُكَارَ » Tu verras les gens ivres alors qu'ils ne sont pas ivres. Tu croiras qu'ils sont ivres, c'est-à-dire leur situation, si on les voyait, c'est comme des gens ivres parce qu'ils sont complètement perdus. Ils sont réveillés de leur tombe, la terre elle tremble, ils ne la reconnaissent pas. Donc l'être humain il dira « Ma'laha », qu'est-ce qu'elle a la terre? C'est ça que ça signifie « Ma'laha ». Donc on en comprend un peu la situation de l'être humain quand il va sortir de sa tombe. « Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha » Ce jour-là, « tuhaddith » Elle va parler, elle va raconter « akhbaraha » ses informations. Donc Allah va ordonner à la terre. Donc c'est pour ça le verset d'après dit « Bi'anna rabbaka awha laha » Parce que ton Seigneur va lui « awha » lui révéler. C'est-à-dire qu'Allah va lui ordonner de parler et il va également lui insuffler, lui révéler ce qu'elle doit dire. Donc la terre, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner, le jour du jugement, il ne faut pas le comprendre avec les lois terrestres. Sur terre, là, un objet, ça ne parle pas. En tout cas, ça ne parle pas comme nous, on peut le comprendre. Au jour de la résurrection, les choses, elles vont changer. La terre, elle va parler. Donc Allah nous l'a dit, nous on dit comment, on ne sait pas comment, Allah a'lam. Mais la terre, donc ce jour-là, elle va raconter toute son histoire. Et elle va dire tout ce que les gens, ils ont fait de bien, et tout ce que les gens, ils ont fait de mal sur elle. Donc la terre, c'est un des témoins de la résurrection. Et les témoins à la résurrection, ils sont très nombreux. Il y a les anges, il y a les livres, il y a le corps de l'être humain qui parlera, on lui fermera sa bouche et ses membres, ils parleront. Et donc, un des témoins, ce jour-là, c'est la Terre. La Terre qui a porté tous les êtres humains, ce jour-là, elle va parler, elle va raconter toutes ses histoires, tout ce qui s'est passé sur son dos. « Yawma idhin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum » Ce jour-là, « yasdurun nas » « Yasduru », comment on comprend « yasduru » C'est comme si, plus ou moins, les gens, ils sont à un endroit, « yasduru an-nas » C'est-à-dire qu'ils partent. Donc, les gens, ils vont sortir de leur tombe. Yasduru, ça signifie qu'ils vont, ben ils vont avancer, ils vont partir. Ashtatan. Ashtatan, ça veut dire en groupe. Donc quel groupe? Ben, la réponse, elle est dans tous les autres versets du Coran, dans les hadiths. On sait que les êtres humains, ce jour-là, ils seront en groupe. Selon ce qu'ils adoraient, selon le prophète qu'ils ont suivi, etc. Il y a même certains groupes, ça sera une personne toute seule. Comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il a dit, j'ai vu tous les prophètes, et parmi eux, j'ai vu des prophètes avec une ou deux personnes, avec un rahb, c'est-à-dire une dizaine. J'ai vu des prophètes avec un ou deux hommes, et j'ai vu des prophètes seuls. Donc il y a certains prophètes, ils représenteront une umma à eux tout seuls. Ou alors, à propos de certaines personnes, j'oublie toujours son nom, c'est un homme qui vivait avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'adorait pas les statues. Et il était isolé dans Quraysh. J'oublie toujours son nom. Zayd ibn Amr ou quelque chose comme ça. Et le prophète il a dit à son sujet, huwa ummatun wahda, il sera une communauté à lui seul. Pourquoi? Parce qu'il était le seul dans le monothéisme et tous les autres ils adoraient des idoles. Donc lui il va se présenter seul. Il ne suivait pas un prophète, parce qu'il n'y avait pas de prophète à ce moment-là, tout était dissipé. Et donc il va se présenter seul. Donc les gens ils vont se présenter selon leur culte, selon ce qu'ils adoraient, par Umma, et selon les prophètes qu'ils suivaient. Liyurao, donc les gens vont s'avancer en groupe. Liyurao, donc c'est pas Liyarao. Liyarao, ça veut dire pour qu'ils voient. Liyurao, qu'est-ce que ça veut dire? Pour qu'on leur fasse voir, a'malahum, leurs œuvres. Donc les gens ils vont s'avancer pour qu'on leur fasse voir leurs œuvres. Et là les Mufassirin tous ils expliquent dans le sens où ils verront leurs œuvres, donc à plusieurs étapes ils verront leurs œuvres dans leur livre. Ou alors certains hadiths en parlant du croyant, le vrai mu'min, celui qui n'aura aucun châtiment, lui comment il va voir ses œuvres? Allah va s'isoler avec lui. Donc pareil, Allah va s'isoler avec lui. Cherche pas à t'imaginer. Tu ne peux pas t'imaginer ça, mais c'est vrai. Allah il va s'isoler avec lui. Comment? Cherche pas à comprendre. Allah il va s'isoler avec lui. Et Allah va lui rappeler tout ce qu'il a fait. De bien et de mal. Et après il va lui dire qu'il lui a dit Rafartu halak. Je te l'ai. Rafara en arabe, c'est pas seulement pardonner, c'est aussi les cacher. Personne ne verra ses péchés. Allah va lui rappeler et après il va lui dire et je te les pardonne tous. Et il va se diriger vers le paradis. Alors que d'autres, ils auront fadiha devant tout le monde. Tout le monde verra leurs mauvaises actions. Donc en tout cas, l'être humain, il verra ce qu'il a fait. À une exception près, c'est quoi à votre avis? Qu'est-ce que l'être humain, il verra pas de ses œuvres? Ce qui lui a été pardonné. Ce qui lui a déjà été pardonné depuis la vie d'ici-bas. Par exemple, si tu as fait un péché et tu as fait tauba, c'est tout, Allah, il efface complètement. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Donc si tu as fait un péché, tu as demandé pardon à Allah, Allah te l'efface, celui-là tu ne le verras plus. C'est terminé, tu ne le verras plus au jour du jugement. Donc même ces péchés qu'Allah va rappeler aux croyants, c'est ceux pour lesquels il n'avait pas demandé pardon à Allah. Il ne s'était pas repenti. Donc les gens verront leurs œuvres. Ils verront leurs œuvres dans leurs livres. Ils verront, on leur rappellera leurs actions. Et ils seront jugés et récompensé ou châtié selon ses œuvres. Donc en tout cas, qu'est-ce qu'on en comprend? C'est que l'être humain, il va être confronté à ses actions au jour du jugement. Et là, Allah a dit, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Celui donc qui fait le poids d'une fourmi, ذَرَّة, en arabe, c'est une petite fourmi, qui œuvre comme le poids d'une petite fourmi, خَيْرًا, en bien, يَرَهُ, il le verra. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Et celui qui fait l'équivalent d'une petite fourmi en mal, il le verra. Donc ذَرَّة en arabe, ça signifie une petite fourmi. Donc Allah a cité ذَرَّة parce que, dans ce que les êtres humains connaissent, c'est ce qu'il y a de plus petit. Pour exprimer quoi? Pour exprimer la petitesse du bien ou du mal que la personne peut faire et qu'elle verra malgré tout. Donc dans tes œuvres, tu ne verras pas que les grandes œuvres. Tu verras même les petites œuvres, que ce soit en bien ou que ce soit en mal. Et ça signifie qu'il ne faut rien négliger. C'est pour ça que dans certains hadiths, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, « Ittaqun nar walaw bi shaqqi tamra » Craignez le feu, cherchez à vous sauver du feu, ne serait-ce qu'avec un bout de date. Alors même si tu as que ça à donner en aumône, tu le donnes. Peut-être c'est ça qui va te sauver. Ou alors, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait qu'une femme musulmane, elle ne doit pas mépriser de donner même un pied de mouton à sa voisine. Le pied de mouton, c'est la partie la moins prisée. Et d'ici, c'est ça qu'elle a donné à sa voisine, qu'elle lui donne. Elle ne doit pas le mépriser. Parce qu'elle ne sait pas, peut-être que c'est ce pied de mouton donné à la voisine, peut-être c'est cette œuvre-là qui aura tellement de récompenses, elle avait tellement une bonne niya, que c'est peut-être cette œuvre-là qui va lui ramener toutes les récompenses, qui va la sauver et lui effacer tous ses péchés. Et c'est pareil dans le mal. Il ne faut rien négliger du mal. Parce que tu ne sais pas, peut-être cette œuvre, tu la prends à la légère, c'est peut-être celle-là qui est le début de ta fin. C'est peut-être celle-là qui est le début du, du dégringolage. C'est peut-être celle-là pour laquelle Allah il va te maudire. C'est peut-être à cause de celle-là qu'Allah il va t'égarer. Donc, ces versets nous amènent à se tenir à carreau. C'est-à-dire, d'à côté, quand tu fais du bien, n'hésite pas à le faire même si c'est pas beaucoup. Et vis-à-vis du mal, évite de le faire au maximum même si tu crois que c'est rien. Et d'ailleurs, pour ce qui est des bonnes œuvres, faut savoir que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand on a dit à Aïcha, radiallahu anha, quelles étaient les œuvres que le prophète préférait, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'elle a dit ? Khayruha wa in qalla. Adwamuha wa in qalla. Les plus régulières, même si elles étaient peu. Donc il ne faut pas négliger. Par exemple, je veux prier la nuit, je n'arrive pas à faire plus de 3 rak'a. Fais 3 rak'a. 3 rak'a fois 365 jours, ça fait combien ? Ça fait plus de 1000 rak'a. Dans la journée, j'entends dire qu'il faut réciter 2 hizb tous les jours. Comme ça, tous les mois, on finit le Qur'an. Comme quoi, ça, c'est le minimum. Mais il n'y a aucun hadith qui dit ça. Est-ce que ça veut dire que si je ne peux pas faire 2 hizb par jour, je ne lis pas le Qur'an ? Si je suis occupé, j'ai les enfants, etc., j'arrive à lire que 3 pages par jour. Alhamdulillah, lis 3 pages par jour. 3 pages par jour, à la fin de l'année, avant la fin de l'année, tu auras fini tout le mushaf. Et chaque lettre, elle te rapporte, dit Hassanat. Donc il ne faut rien négliger. Rien. Dans tout, c'est comme ça. Dans les aumônes. J'ai pas beaucoup à donner. Ma'alish, tu sais pas. Peut-être que cette aumône, justement, comme tu as peu, elle va te ramener beaucoup de récompenses. Le zikr. Il ne faut pas négliger. Le zikr, même si je m'assois, je fais un petit peu de zikr, c'est mieux que de ne rien faire, etc., etc. Il ne faut rien négliger. Il faut faire ce qu'on peut et il faut que ce soit au maximum des choses qui soient régulières. Mais il ne faut rien négliger. Il ne faut pas te dire, si je ne fais pas 11 dalaka'a la nuit, ça ne sert à rien de me lever. Si je ne récite pas 2 hizb par jour, ça ne sert à rien de réciter le Qur'an. Si je ne jeûne pas lundi, jeudi, ça ne sert à rien de jeûner. Même un jour par mois, mieux que rien. Même si tu ne fais pas les 3 jours, tu n'en fais qu'un par mois. Mieux que rien. Donc il ne faut jamais penser comme ça. Ça, c'est Shaitan qui vient te dire ça. Et les Sahaba eux-mêmes, il y en avait certains parmi eux qui ne faisaient pas de grandes œuvres. Il y avait certains parmi eux, ils avaient des œuvres modestes. Abu Huraira radiallahu anhu, par exemple, ses prières nocturnes, il les faisait avant de dormir. C'est-à-dire qu'il ne faisait jamais ce qu'on appelle le tahajjud. Abu Huraira, il ne les faisait pas. C'était comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui avait dit, je te conseille 3 choses. Qu'est-ce qu'il lui a conseillé ? Abu Huraira, qu'est-ce qu'on s'attend qu'il va lui conseiller ? Jeûner 1 jour sur 2, réciter le Coran tous les 3 jours, prier la moitié de la nuit. Et il a dit ce même conseil à Abu Dhar, alors qu'Abu Dhar, il était connu pour être à fond dans l'adoration. Il lui a dit, je te conseille de jeûner 3 jours par mois, de prier 2 rak'a le matin, c'est-à-dire faire duha, et de prier le witr avant de dormir. C'est-à-dire au moins faire 1 rak'a avant d'aller dormir. C'est pas... Il n'y a rien de surhumain dans tout ça. Pourtant, c'était ça qu'Abu Huraira il faisait. C'était ça son habitude, elle était comme ça. Abu Huraira, radiallahu anhu. Donc on s'arrête là, Inch'Allah ta'ala, nas'alullah subhanahu wa ta'ala, an yuthabbitana ala l'islam, wa an yarzuqana al-iman. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc pour les cours de Coran, je sais pas encore, je trouve pas d'horaire à vous proposer, donc on verra. Inch'Allah. Peut-être ça sera après le cours, par exemple.